Tu dis que ça a été créé de Je te dis que l'histoire d'Hérouville, puis la gang qui est sortie, puis qui ont écrit leur charte, puis ainsi de suite, payée et commanditée par l'Action démocratique du Québec. Il est parfois radioactif, mais il est surtout hyperactif. Et voici votre animateur, Jean-Philippe Vautier. Merci tout le monde d'être ici ce soir. Il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous donner amplement le temps de lire tous les messages privés de nos amis sur Facebook. Là. Hey, c'était le fun, ça, cette semaine, hein? Mm. Fred Savard, bonsoir. Bonsoir. Ouh, pas de l'air de filer, mon petit pit. Moyen. Ah ouais? Hein? Mal dormi. Hey, moi aussi j'ai mal dormi, je me suis réveillé tout en sueur. Hein? Aviez-vous un engourdissement dans la région du T4? Ouais, dans ce coin-là, ben, ouais. C'est ça. Ça, c'est les premiers symptômes de l'angoisse fiscale, ça, Fred. Ben oui. Ça, c'est une maladie. Ben oui, c'est une maladie qui a touché le Québec de plein fouet cette semaine, ça. En fait, on est tellement malade au Québec, là. Il paraît que c'est rendu quasiment interdit d'être riche. C'est terrible, hein? En fait, ça l'est depuis 2012, janvier 2012 exactement. C'est ça qu'ils appellent les rétrovirus. Et voilà. Ah ouais, ouais, c'est ça. Non, ça c'est terrible ça. Non, le porte-parole de la minière à ArcelorMittal le dit, hein. Le Parti québécois au pouvoir, c'est un moratoire sur l'économie. Je le dis, là, puis ça me fait mal au ventre. Ouais, mais faites attention, les gaz aussi sont maintenant interdits. Ah ben oui, voyons! Faut vraiment, qu'on surveille hein, pour tout à cette heure au Québec, c'est terrible. Pourtant, il y a plein de solutions pour renflouer les coffres au Québec. Ouais. Par exemple, là, ben, je donne un indice, là, où je n'ai pas une idée. Il semble qu'on pourrait vendre des billets pour assister à la commission Charbonneau. Pas sûr que ça marcherait. Moi, je trouve ça assez académique à date. Là. Ben, c'est vrai, il y a eu l'Italienne là, qui nous a raconté comment ça fonctionnait, là, la mafia en Italie. Après ça, on a eu Donnie Brasco qui nous a raconté comment la mafia fonctionnait à New York. Là. Ouais. Ça commence à être long. Non, mais un peu plus, on avait un spécialiste de la Grèce antique qui venait nous parler de la corruption dans le temps de Socrate. Mais il paraît que dans ce temps-là, ça venait aussi d'Italie. Hein. Ah, ouais, hein. Gros racket de Cigu à Rome. Ouais, c'était l'enfer. Ah, ouais. Il paraît qu'il se passait ça dans les amphores brunes. C'était un cœur en des enfants. Mais quand même, on peut plus se plaindre, franchement, parce que ça commence à sortir les vrais noms. Là, hein? Ouais. Là on le sait, on l'a écouté là, depuis mercredi. Il y a des suspects chez nous qui viennent témoigner. Des produits locaux. Ouais, des gens du terroir. Hein? En tout cas, moi, je sais maintenant qu'un gars qui se promène en sandales pas de bas, là, c'est pas un gars de la mafia. Ça. Ben non, vous avez vu ça. Hein? C'est extraordinaire. Il y a des mafieux qui remplissent leurs bas d'argent sale. Ouais. Moi, ça me fait capoter. Moi, je prends plus de chance depuis ce temps-là. Hein? Ah non? Je mets du Dr. Scholl dans mon porte-monnaie. Ah ouais? Alors, regarde. Non, n'y a pas avec ça, là. Hey, un 20$ rempli de verrues plantaires? Ouais. Non, merci. Ouais, merci. Le pourboire prend un tout autre sens. Ouais, il m'a dit, tu check tes scènes noires, tu sais. Non, regarde. Mais parlant de verrues plantaires, justement, on a eu la confirmation cette semaine que Philippe Couillard allait se présenter dans la course à la direction du PLQ. Ouais, mais là, je comprends pas trop, là. Il a même dit que s'il perdait la course, il restait en politique, là. Moi, il me semble que c'est bien plus payant de travailler au privé. Mais non, qu'est-ce qui se passe avec Fred, lui? C'est normal. Depuis l'élection du PQ, les riches, ils veulent plus travailler. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais non, tous les chroniqueurs le disent, là. Ils vont s'en aller. Ah ouais. Un peu comme le Canada, d'ailleurs, à l'ONU cette semaine, vous avez vu ça. Ah, hein, ben c'est extraordinaire. Ouais. Toute une mise en scène. Hein. Le Canada qui quitte la salle pendant que Mahmoud Ahmadinejad, évidemment président de l'Iran, faisait son discours. Ah ouais, mais c'est plate que l'Iran soit pas une monarchie. Moi, je suis sûr que Harper serait resté. Ah, j'avoue ça. J'avoue, ouais. Il y avait plus de chance. Ouais, mais parlant de monarque, là, je trouve ça le fun, ça. Moi, si j'étais Jean-François Lisée, là, je prendrais ma limousine puis j'irais direct à New York chercher Mahmoud. Ouais, hein? Ouais. Puis je le convaincrais de venir rester au Québec. Ah, c'est pas fou, ça. Super bonne stratégie séparatiste, ça, pour sortir le Canada du Québec. Ouais, ben en plus, Mahmoud, là, comme vous dites, là, il saurait quoi faire, lui, avec Gentil 2. Oui, ben en tout cas, il utilisera son plein potentiel. Ouais, ça, je pense que oui. Il ferait travailler. Là, en parlant de potentiel, on en a beaucoup dans notre émission ce soir. Et ça, c'est surtout grâce à nos invités. Ah, ben oui. Hein. Premièrement, on a Fred Pellerin qui est avec nous juste avant de commencer sa longue et déjà très populaire tournée à travers la francophonie. Ah, je ne sais pas si Christine Saint-Pierre va voir son show. Hein. Ah, ça dépend. Ben, c'est pas Céline, quand même, mais tu vois, tant que tu as des billets gratuits. Ouais, dans l'opposition, je ne sais pas si tu reçois des billets gratuits. Non, plus maintenant, je pense qu'on est rendu fouillé paye. mais il va être accompagné par un autre auteur, un ancien journaliste, ancien collègue à Radio-Canada, Daniel Lessard, évidemment. Très hâte de voir, lui, ce qu'il pense de la culture culturelle au PQ, lui. Hein? Ça doit être un peu mieux que celle du Parti conservateur. Ouais. C'est sûr que c'est moins pâle, ça, c'est certain. On aura le temps d'y demander parce que la soirée est encore jeune. Oh! Encore une fois, merci d'être ici. Olivier Niquette, oui. Si on veut s'informer sur l'Internet, on fait quoi? Ben, les gens peuvent se rendre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée oui. ou sur notre site radio-canada.ca/lasoirée oui. pour découvrir la superbe pochette de l'album Martin Deschamps et Vic Vogel chante Noël. Oh boy. C'est vrai, je l'ai vu, c'est très beau. Oui, ça sort bientôt, ça. Hein? Je sais pas. OK. C'est hey, Noël. Grosse semaine d'actualité, encore une fois. Hey, tellement qu'on n'a pas eu le temps de parler de la pénurie possible de bacon qui nous guette. C'est pas une blague, hein? Et ça fait peur. En tout cas, quoi, Fred? Ben moi, je connais quelqu'un qui a la grosse chienne. Ah, là, vous n'allez pas encore nous parler du docteur Barrette? Fred, ça va! C'est une fixation! Non, j'avoue. Hey, ça n'a pas de bon sens. Beaucoup de bacon. Ben oui. Ah non, vous avez certainement vu à l'appui de la ministre de la Condition féminine, Rona Ambrose, à une motion qui touche aux droits du fœtus. Ben ça en a surpris plusieurs et provoqué l'indignation de la Fédération des femmes qui réclame sa démission. Ben ouais. Et ça a inspiré notre palmarès de cette semaine. Alors voici donc 5 choses que Rona Ambrose pourrait faire pour se racheter auprès des femmes. En 5e position, changer de prénom. Oui. Hein? C'est vrai, ça, Rona au Québec, ça fait pas mal quincaillerie, c'est pas super féminin. ce serait un début, mais c'est quoi que les femmes aiment? Des magasins de... Des parfums, là. Ouais. Ben, dans un jardin Ambrose. Et voilà. Hein? Bon, très bonne idée. En 4e position, faire comme Justin Trudeau et organiser un combat de boxe avec Steven Woodward. Ouais, mais Woodward, il a moins de tatous que Patrick Brazeau, par exemple. Ouais, à mon avis, il donne autant envie de fesser. Ah, hein, c'est mon cas. En 3e position, ah, c'est bon ça, militer pour Manon Massé. Ah ouais. Ils vont bien s'entendre, hein? Les deux sont pas fortes sur le féminin. Merci, Fred. En 2e position, distribuer des pilules du lendemain dans un jamboree de Jeannette. Mais là, es-tu obligé d'en faire autant que ça, quand même? Je pense que oui, Fred. C'est à quel âge, ça, les Jeannettes? Ah, je ne sais pas, mais c'est pas vieux. Il n'y a pas d'âge pour la prévention. Non. C'est la prévention, vraiment? Rétro-prévention. OK, c'est ça. Et la première chose que Rona Ambrose devrait faire pour se racheter auprès des femmes, mon Dieu, ça fait mal de le lire. Oui. Prendre une carte du PQ et promouvoir l'avortement rétroactif auprès de ses parents. Franchement! Ouch! C'est pas un appel au meurtre, ça? Non, ça a été décidé hier. Le fœtus n'est pas un être humain, on est correct. OK. Hey, c'est de l'humour qu'on fait, nous autres. Fred, notre premier invité. Il a remis le compte au goût du jour avec sa langue poétique, ce qui nous donne presque envie d'aller le visiter à Saint-Élie-de-Caxton, même si c'est pas très loin de Gentilly 2. Voici Fred Pellerin! Ben ouais, ici! Hey! Okay. C'est vrai que c'est pas loin de Gentilly 2, ça, Saint-Élie-de-Caxton. Oui, puis en fait, selon les vents dominants, on l'arrête en face pas mal si jamais il fallait que... C'est pour ça que c'est assez spécial dans votre coin. Hein? Ouais. Ça s'est propagé, ça. Là. Ouais. Hey, une bière! Mais on n'a pas les pilules, parce qu'il y a des... Je pense qu'ils ont pas loin, ils ont des pilules de casou. Ouais. Ah, vous avez pas de pilule d'Ocasio? La poule d'Ocasio, on l'a pas, nous. Arrête, donc. Non, puis pourtant, on est dans le vent. On a le vent en face. Ouais. Non, mais vous pouvez remercier Gentilly 2, ça vous a permis de faire des belles histoires. Hein? Monde bizarre. Faudrait installer des éoliennes de l'autre bord. Ah ouais, c'est ça. C'est pas fou, ça. Ouais. Merci, Fred. Des éoliennes qui spinent au lieu d'attendre d'être spinées. Ah, une bière, parce que j'essaie. Normalement, on prend une bière dans cette émission-là. Une oui. bière? Ben oui. OK, bon, mon Dieu, c'est pas compliqué. Non, mais la semaine passée. D'habitude, ça zigonne? Hey, ben, non. La semaine passée. Je suis altruiste là-dessus. On avait Monique Jérôme Forgin. Ouais. Ça avait pris toute l'émission pour la convaincre. Hein? Mais après on en a viré une. Une fois qu'elle a décollé. Ah, ouais, écoute, une fois qu'elle part, elle. Ouais, mais l'émission était finie. L'émission était finie quand c'est arrivé. Bon, je vais m'en prendre une aussi. Êtes-vous un maudit contre Pauline et sa rétroactivité fiscale? Non, moi, ça va. Moi, je serais prêt à payer plus. C'est bien mené puis c'est pour des belles affaires, oui. C'est bien mené, justement. C'est bien mené, c'est difficile. Si c'est bien mené. Oui, c'est ouais, ça. Parce que là, tu sais, oui. Non, mais c'est parce que des fois, les gouttes font paye, puis ça va dans le beurre, ou ça va à des endroits où on aimerait moins. Que ben, si on vise le bon trou, moi, je veux bien en mettre là, pour qu'on... Dans des paires de bois italiens, c'est moins ça, hein? Oui, c'est ça. C'est moins spitanant. On a reçu Christine Saint-Pierre. On en parlait un peu plus tôt dans l'émission. On a reçu Christine Saint-Pierre il y a une couple de semaines. Êtes-vous quelqu'un de violent, Fred Pellerin? Non, mais je dis ça parce qu'elle vous a traité de violent. Là. Puis là, moi, j'ai amené mon bat. Elle a fait ça ici? Elle m'a toujours traité de violent ici? Non, elle ne vous a pas traité de violent, mais j'ai quand même apporté mon bat de baseball parce que j'ai pas eu de confirmation que vous n'étiez pas violent. Mais je me demande, parce que on avait dans cette émission-là, on avait aussi Pierre Duchesne qui, lui, a décidé de lire un poème qui a été écrit par vous à Christine Saint-Pierre. À Rayonnais. Hein? Oui, ça. Ben, par en dedans. Ah ouais. Puis, un peu plus. Ça l'a mis un peu tout à l'envers. Ah ouais, t'es introverti du rayon? Oui. À rayonne de l'intérieur, c'est à ça. Un soleil inversé. Oui, c'est ça. Et là, je me demandais, est-ce que vous lui avez reparlé à Christine Saint-Pierre depuis ce temps-là? Oui, depuis le. Oui. Depuis la. Parce que maintenant, tu sais quoi, moi, je n'avais vraiment pas envie de parler après ça. Là. Non? Non. Fait que j'ai fait. Fine, fine. Ah, ben sans doute. Oui, oui, non. Oui. Ouais. Fait que finalement, on s'est parlé. Ben oui, fait que là, ça commence à ressortir que non, on s'était pas parlé. Puis ça, je me suis dit, je vais y parler pour que ça finisse par mourir. Parce que pour moi, en tout cas, c'était trop gros, ça avait pas de bon sens. J'avais pas le goût, sur le coup, de me défendre puis d'aller dire non, je suis pas violent. Ben, je peux pas répondre à cette affaire-là, voyons donc. En tout cas, pour mais les gens, moi, ça faisait pas, aucun sens. On le sait pas que vous êtes pas violent, tu sais. Non? Ben, est-ce que je diffuse quelque chose qui est pas clair là-dessus? Ben, avec votre carré rouge, c'est ça que ça faisait. Ah, ça nous rendait bien stressés. C'est ça. Ah, non, ah ouais, c'était l'enfer. C'est devenu une cible incroyable que ce bullseye de carré rouge. Tout à fait. D'ailleurs, est-ce que vous avez suivi les élections, vous? Vous savez qu'il y a eu des élections. Non, mais je parle de ça. Il y a eu des élections il n'y a pas longtemps. Oui. Ça fait pas longtemps. Là. Ça fait 5 quoi, ou 6. Ouais, ouais, ouais. 4. Le 4. Quasiment. Mais est-ce que vous avez suivi ça? Oui. Oui, mais oui. Dans votre comté, c'était qui votre votre candidat, vos candidats, c'était qui? On avait Patrick Lahaye au PQ. Non. Non, mais dans la lutinerie, on avait donné l'élection fédérale d'avant parce que moi, je suis dans la circonscription de Rutelen. Arrêtez donc! Ben oui. Ah, ben fait que vous l'avez élu, votre naine magique, là, je sais pas trop. Oui, la fée rare. La fée rare, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que ça, on avait fait notre part. Fait que cette fois-ci, on avait du vrai monde qui était là. OK, qui a été élu? J'ai pas, je sais pas suivi ça, moi. C'est nous autres, toute la région a été rouge et bleu. Rouge et bleu. Fait que chez nous, c'est Jean-Paul Diamond, libéral. OK. Il y a du bleu un peu à côté. QS a été plutôt faible. On pensait que ça montrait plus fort. Ben, c'est pas loin de Gentilly. Hein. Fait que ça... Ouais. Ça, puis on est à côté de chez Ossin aussi. L'autre bord du fleuve, c'est Ah, ça a pas pogné, lui, hein? Tabarouette, ça a pas pogné son affaire, Jean-Martin. Ouais, mais elle a pogné au nombre de votes. Bon, tu sais, quand je parle, il n'est pas élu, en gros. Là, c'est ça, je dis. En général. Okay. Tu nuances, c'est fort. Non, mais je dis... Ça grande force, c'est ça. Ça. Je dis ça, mais évidemment, les partis politiques ont commencé à marauder assez tôt pendant l'été, à savoir, bon, on veut se trouver des candidats. Si ça va vite, votre émission. Ah oui, veux-tu comprendre? Non, je vais me pogner à guerre, là. Ah ouais, c'est pas long. Change de vitesse, c'est pas? Ouais. OK, good. Est-ce que Pauline ou un autre parti vous a approché pour être candidat? Certainement. Non. Même pas? Non, on s'est parlé avec certains partis, mais... Certains? Non, mais pas... La CAQ? Non. Non, mais moi, je peux pas... Ça, on dit, pas un cando en avant de chez nous. Non. Moi, je m'intéresse à l'affaire politique, mais je m'intéresse surtout à l'affaire poétique. Puis l'affaire politique, je m'en intéresse dans mon implication puis dans ma participation à l'affaire collective, sociale, communautaire et poétique dans le sens partagé, parce que la poésie, ça peut être quelque chose que tu zigonnes chez vous en cachette dans le garde-robe, mais ça peut être quelque chose aussi qui se partage. Pour moi, le conte et la poésie, c'est quelque chose qui se fait à la place publique, puis ma part, j'ai fait dans ces affaires-là. Fait qu'après, pour moi, de me présenter, de me faire des pancartes, puis tout, ben c'est pas ce bout-là de la chose politique qui me tente, mais la politique, pour moi, n'est pas que cette chose-là. Ben, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que Dominique Champagne, qui a publié pas si longtemps Le gouvernement invisible, gouvernement fictif, je pense qu'il vous présentait comme premier ministre fictif du Québec. Ça, c'est un sondage qu'il avait fait. Ouais. Ben ouais. Je trouve ça le fun, ça. Vous voyez premier ministre du Québec? Non. Ah non, pas du tout? Non. Ah, mon Dieu, que c'est plate. C'est parce que ça aurait été le fun, me semble. Moi, je ferais un référendum pour être une planète. Puis les gens sont pas prêts à ça. Je vais entendre d'avoir les conditions gagnantes. Mais une planète, je veux dire, Saint-Élie, le Québec, le Canada. Continent. Tu fais continent au début, là, pour t'habituer. OK. Tu deviens planète éventuellement. Ah, OK. Je trouve ça le fun. Mais juste Saint-Élie ou le Québec en entier? Le Québec en entier. Ah, OK. Oh, ouais. Non, Saint-Élie tout seul, là. On manque de ressources. Mais je peux comprendre. Évidemment, on parle de Saint-Élie de Caxton. Vous avez fait un peu... Ça, c'était quoi la question au début? Là, qu'on s'en rappelle même plus. On s'en rappelle plus. Non, c'était le gouvernement invisible de Dominique Champagne. Ah, c'est ça, ouais, c'est ça. D'ailleurs, il vous imaginait siéger avec Jacques Duchesneau à la Sécurité publique. Et là, la poésie, ancien policier, c'est plus difficile. Honnêtement, je vous le dis, là. Ben, les anciens policiers ne comprennent pas toute la poésie, à part Robert Poëty. C'est une petite joke qu'on a faite en... Merci. Qu'on s'était dit hier, puis qu'il était... Elle était trippante hier, mais... Tu vois, il y a des jokes... Honnêtement, elle était trippante il y a 5 minutes. Ça va pas si bien, le show, Elle vient juste de Périmé. Elle fonctionnait au bout. Ben, on parle de votre village de Saint-Élie-de-Caxton, et il y en a qui disent que c'est devenu le Disney World de la Mauricie. Ben tu sais que... Ouais, c'est ça. Mais, tellement pas. Mais pas en tout, parce que quand même, 30 000 visiteurs dans un village d'à peine 2000 ans. Dans le nombre de visiteurs au parc Capitole, je sais pas quoi, là, on a un beaucoup, bon ratio. Dans le schling-schling, le gadget et le racket Disneyland, non, on n'est pas. Si on l'a pas, là, parce que l'infrastructure reste la même, c'est-à-dire pas loin de l'inexistence. Puis la visite, ça fait dans ta tête. Tu viens de Saint-Élie, là, on te propose, c'est comme, il y a des formes, mets des couleurs dedans. Là. OK, mais dans le fond, ça ramène pas l'argent. Le touriste est actif. Ah ben oui, il y aurait des retombées de fric. Ah oui, mais quoi? Ben oui. Je veux dire, le gaz à station-service? Ben oui, ils vendent plus de gaz. Ben, parce que toi, de manière, tu veux t'en retourner. Là. Ben, fait que tu tinques. Puis après ça aussi, il y a des restos qui peuvent vivre. Chez nous, il y a le boulanger, mettons. Ben, le boulanger, avec le ce qu'il vend aux touristes d'été, ça lui permet d'être ouvert en février où il en vend beaucoup moins de pain. Là, ah, c'est fait ça. Fait que tout ça, fait que ce petit cet été-là où il vient les 30 000 touristes, ça permet d'amortir, d'avoir des commerces après qui sont ouverts à l'année dont on peut profiter nous autres. Mais là, est-ce que vous gardez une cote de ça? C'est vrai que ça marche normalement, ouais. Non. Zéro cas. Zéro cas? Non. Et vous avez un grand cœur. Mais ça aurait dû. Ben moi, personnellement, je sais pas. Vous mettez en compagnie, parce qu'on ne peut plus être riche au Québec, vous le savez, ça c'est avec Pauline Marois. Là. Mais vous mettez riche avec ça, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on parlait de politique un peu plus tôt et du carré rouge. Vous aviez refusé l'ordre du Québec. Ça a fait non, j'ai pas refusé l'ordre du Québec. Ah ben non. Mais c'est ça qui a déclenché tout, là. Ah, c'est ça. Je pense. Mais d'après moi, oui. Vous vouliez pas le recevoir là, pendant cette période-là. Dans le fond, c'est ça. Ben, moi, j'avais pas le cœur à la fête et à la réception et à la pin. La pin, la pin de sa poitrine, ben oui. Parce que c'était au moment où ça se passait puis où ça marchait à coup de matraque à la gueule. Là, maintenant, vous êtes fouillé de ben oui, mais dès que ça se termine puis qu'on retrouve la paix, je suis game. Vous allez chercher votre temps. Sauf que moi, je plaidais la crise sociale d'ampleur pour dire, il m'a pas allé me chaîner à face devant des caméras, prendre des photos puis faire des sourires. J'avais pas le cœur à cette fête-là. Ah, mais là, après. Vous êtes prêt à aller le recevoir, là? Ben oui. Ah, mon Dieu, mais vous avez qu'à faire un appel à Pauline. Puis l'affaire n'était pas par rapport au... Tu sais, c'est pas à moi de décider qui c'est qui va être en place dans dans la démocratie québécoise. Je vais y aller, peu importe. Le prix, on l'a dit, est apolitique. Donc, c'était pas récemment... Alors, on le dit... Fait que c'était contre personne. Non, c'était contre rien. Puis c'était pas contre la crise sociale qu'on vivait. C'était que moi, dans l'état où on se trouvait, le Québec, à ce moment-là, je me sentais pas game de monter les escaliers. Puis j'ai décidé 3 jours avant de pas y aller. Puis j'étais en Suisse, puis je me disais, m'arriver là, je suivais l'actualité ici, m'a monté les marches, moi, pour m'aller prendre des photos pour les journaux. Ben parce non, que ça a bien gros insulté Christine Saint-Pierre. Ben c'est après ça qui s'en est passé. Ben oui, je sais, elle n'en est pas venue. Puis l'autre affaire. Fait que là, là, ça paraît dans les journaux, Fred a reçu la médaille, nanana. Les journaux reçoivent le communiqué de presse, ils émettent le communiqué de presse. Mais moi, j'étais pas là. Sauf que ça, c'était pas dit. Moi, écrit au secrétariat de l'Ordre national du Québec. Je suis désolé, je le sens pas, je peux pas être là. C'est votre affaire aussi. Merci de votre compréhension. Dans le monde, avec votre show. Non, je t'incite. Non, j'ai pas plaidé que je ne vais pas y aller. J'ai plaidé que je peux pas y aller à cause de cette raison, pas parce que je suis parti. J'ai fait ma lettre à l'Ordre national. Ouais. Là, dans la minute, ils me répondent, c'est beau, on va vous rappeler l'année prochaine. Ça arrive, ça, qu'il y a dans l'histoire, il y a eu du monde. On s'en reparle l'année prochaine, là. Pour l'Ordre national. Non, mais là, après ça, il y a eu le déclenchement de ces histoires de violence. Ah, mon Dieu, que c'est compliqué le Québec avec vous. Ben écoutez, non, mais c'est correct. Fait qu'on va être séparés, la planète, ça va bien aller, mon gars. J'ai assez hâte à la planète Québec. Hey, vous restez avec nous, Fred Pellerin. On le sait, depuis la décision du PQ d'augmenter les impôts, ben, ça a mis de l'avant la détresse psychologique, on en parlait, des gens riches et célèbres, trop longtemps ignorés du grand public. Heureusement, il existe des moyens pour contrer ce terrible fléau. On écoute. Mon voisin, il a un char de l'année. Moi aussi, mais c'est une Audi. Mon voisin, il a une piscine hors terre. Moi aussi, mais elle est creusée. Mais moi, j'ai quelque chose que mon voisin n'a pas. Je gagne 130 000 $ par année. Fait que je paye 600 $ de plus en impôts que mon voisin. Quand l'angoisse fiscale nous fait perdre tous nos moyens, on ne s'en rend pas toujours compte à temps. Mais heureusement, avec Jean-Marc Fournier, on est au courant. Combattons l'angoisse fiscale. Cessons d'écouter Jean-Marc Fournier. Ben là! Fred, on voulait l'inviter la semaine prochaine, Jean-Marc Fournier. Ben... Il y a peut-être du mot. On l'espère. Fred, on le souhaite. Fred, vous nous parlez de quoi cette semaine? Ben, je pense que j'ai pas le choix de vous parler de richesse cette semaine. Mais avant tout, j'aimerais m'excuser pour ma chronique de la semaine dernière. Ouais? J'ai été inondé de courriels, la plupart pour me dire que c'est la pire chronique qu'ils avaient jamais entendue à la radio. Certains ont même prétendu que j'étais devenu aussi pontifiant que Lucien Bouchard. Oh boy. Ça, j'avoue, ça m'a scié les deux jambes. Non, heureusement, il y avait le courriel de ma mère pour me dire qu'elle n'avait pas encore entendu la dite chronique et qu'elle allait se reprendre dimanche dernier au déjeuner. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle depuis. Il y a pire que les atermoiements d'un chroniqueur en panne d'inspiration. Et là, on l'a bien vu cette semaine. Nos riches souffrent, mes amis. Ouais. Nos riches ont mal. Ouais. Pour reprendre les paroles du chef par intérim du PLQ, Jean-Marc Fournier, je souligne ici le mot « intérim » parce que nos médias ont tendance à l'escamoter et l'intérim, ça n'a pas le panache d'un chef élu et Fournier nous le rappelle douloureusement à chaque fois qu'il ouvre la bouche. Eh bien oui, nos riches souffrent d'angoisse fiscale, ce qui, vous en conviendrez, est beaucoup plus douloureux que de souffrir d'un calcul rénal. Et pourquoi? Pourquoi cette souffrance? Parce que le vicieux gouvernement de Pauline Marois a annoncé de façon abjecte qu'il allait ponctionner nos riches de façon rétroactive, c'est-à-dire par en arrière. Un précédent, vous pensez? Pas pantoute. Robert Bourassa l'a fait en 93 et pire, ça s'appliquait à tous les Québécois, pas juste aux plus méritants. Et pourtant, ça n'a pas empêché Georges Hébert Germain de faire de Robert Bourassa l'objet d'une hagiographie des plus lénifiantes. Mais le plus étonnant dans tout ça, c'est bien de savoir d'où sortent ces riches dont les Jean Lapierre, Richard Martineau et Alain Dubuc ont vanté les mérites et les vertus tout au long de la semaine. Pourtant, rappelez-vous, pendant les manifestations étudiantes du printemps dernier, ces mêmes chroniqueurs nous rappelaient qu'il n'y avait pas assez de riches au Québec et qu'il fallait que les étudiants fassent leur juste part en avalant une augmentation de 82 % des frais de scolarité et toutes les autres couleuvres qui venaient avec. Et parlant de couleuvres, André Pratt a quand même été plus nuancé. Ah ouais? Oui, il a avoué que demander plus aux mieux nantis peut se faire, mais seulement en période de certitude économique. Vous rappelez-vous quand les grands médias nous ont affirmé sans rire que nous étions en certitude économique? La dernière fois que c'est arrivé, ça fait tellement longtemps que le concept même d'économie n'existait pas. Alors le Québec gicle de riches, et j'espère que les étudiants ont pris des notes de ce qui s'est passé cette semaine, hein, parce que c'est franchement navrant de constater qu'ils ont eu besoin de 90 jours de manifestation pour essentiellement se retrouver avec un gel de la hausse et une promesse d'un grand sommet de flonflon sur l'éducation, alors que les plus fortunés n'ont eu besoin que de quelques jours pour occuper toutes les tribunes médiatiques et forcer le gouvernement à faire des compromis, et ce, sans yeux crevés, sans gueule pétée et sans aucune arrestation de la belle ouvrage. Mais reste que la détresse fiscale est là. Je l'ai vu de mes yeux vus après une visite au centre-ville de Montréal mercredi dernier. Hein. Ah oui? Il suffisait de longer les vitrines des restaurants branchés le midi pour sentir la tension et le désarroi de nos plus travaillants citoyens. J'ai vu des hommes fortunés refuser une deuxième portion de canard confit. La gorge nouée par le peu de considération que ce gouvernement leur accorde, un gouvernement élu par la population, une population composée de, n'oublions pas, de petites gens qui n'osent pas se retrousser les manches pour devenir riches à leur tour. Société ingrate qui, comme le disait si bien Richard Martineau, pénalise le travail et nivelle par le bas, et le nivellement par le bas, ça le connaît Richard. Lui qu'il pratique avec brio sur une multitude de plateformes afin de joindre les trois bouts. Oui, ça peut paraître étonnant à entendre, mais Richard change tellement d'opinion souvent que deux bouts ne suffisent plus. Cela dit, il est un bombe pour nous mortels, puisqu'il prouve qu'on peut très bien être médiocre et vivre à Outremont. On riait. Ah ouais, je sais. On riait, je vois tellement trop loin comparé à lui. On riait, mais Jean Charest avait donc raison lorsqu'il affirmait que voter Pauline Marois, c'était voter pour la rue. Pauline Marois est effectivement gouvernée par la rue, et il est clair qu'elle veut maintenant appauvrir nos riches à un point tel qu'ils se retrouveront à la rue eux aussi. Jean Charest, reviens. Ils sont devenus fous. Merci, Fred. Merci beaucoup. Plaisir. Ouais. J'espère que vous êtes en forme pour nous présenter notre deuxième invité. Très en forme. Après une longue carrière journalistique à Radio-Canada, il n'a pas fait le saut en politique au PQ comme bien d'autres, mais est plutôt devenu écrivain. Accueillons M. Daniel Lessard. Salut. M. Lessard, bonsoir. Salut. Une bière? C'est obligatoire, excellent. Oui, oui, oui. Excellent. Eh bien, j'ai pas de rousse, malheureusement. Je regardais vos livres, je trouvais que ça aurait bien été. Monsieur Lessard, vous venez de publier deux romans. Donc, vous venez de prendre de votre retraite de Radio-Canada il n'y a pas si longtemps. Je reçois deux romans, Maggie et La Revenante. Et moi, je me mets dans la lecture là-dedans et je vais vous avouer quelque chose, Monsieur Lessard. Ah, vous êtes renversé de la bière dessus. Non, ça va, ça va. Non, mais c'est Christine Saint-Pierre a fait la même chose. C'est l'intimidation. Ils sont intimidés par moi. Non, mais je lisais vos deux romans, Maggie et La Revenante, et j'étais un peu déçu parce que moi, je m'attendais à une biographie de Margaret Thatcher pour Maggie et une biographie de Pauline Marois dans La Revenante. Puis, ben, c'est pas ça pendant tout. Non, pas du tout. Ben non, c'est un roman sur une Irlandaise. D'ailleurs, je vais vous parler de la couverture rapidement. Là. On peut voir une Irlandaise aux cheveux roux, hein, oui. Franchement, très jolie. Je pensais que c'était Louise Marlowe. Moi. Ben non, c'est. Est-ce que vous la connaissez, elle, qui a fait la couverture? Très bien. C'est vrai? Ouais. Vous avez son numéro? Oui. Ah, good. On en parle après l'émission. Excellent. Non, mais je veux dire, c'est une jolie jeune fille. Cela dit, Monsieur Lessard, on se rappelle évidemment de votre sortie à Radio-Canada. On se souvient certainement du 2 mai 2011 et la soirée électorale, alors que vous aviez parlé d'une culturelle peut-être un peu manquante chez les conservateurs. Et là, bon, je m'adonne à lire le livre. J'ouvre la deuxième page. Je tombe sur Nous remercions le ministère du patrimoine canadien pour la subvention donnée à ce livre. Là, je me dis... Regarde, je me dis... Cherchez l'erreur. Ouais, c'est ça. Est-ce que votre livre est pas assez culturel ou ils ont changé là-bas, tu sais? C'est ça la question, tu sais. Mais j'ai l'impression qu'on a tous besoin de subventions pour écrire des livres. Oui. Non, le programme s'applique à tous les livres. Je pense qu'il se fout pas mal que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Ah, mais le programme est là, on en profite. Ils sont rendus assez piqués, hein. Ils checkent à ce temps-là. Ils regardent ce que je dis. Ron Ambrose. Mais oui. Ron Ambrose, elle passe beaucoup de temps à faire d'autres choses que sa job, on dirait. Cela dit, on l'a appris tout à l'heure, la ministre qui a peut-être pas la culture féministe très forte, hein, visiblement, vous en pensez quoi de ça? Est-ce que vous avez le droit de parler de politique, vous? Oui. Ah, parlez-nous-en. Absolument. Écoutez, est-ce que ça me surprend? Non. OK, ça c'est correct. Elle est conservateur, ouais. Conservatrice. Ouais. Donc, non, ça me surprend. Mais la condition pas. Féminine, quand même. Oui, non, je sais, ça c'est quand même étonnant, mais chez les conservateurs, il n'y a rien qui me surprend en ce qui est politique sociale et culture. Il y a 86 conservateurs qui étaient en faveur de cette motion-là. Oui. C'est quand même pas... C'est la moitié du parti. C'est... Ça vous surprend toujours? Oui, toujours. Et je comprends très bien le jeu que joue Stephen Harper. Chaque fois qu'il y a question d'avortement, il donne à sa base militante radicale rétrograde, je pense que je peux aller jusque-là, bonbons. Vous êtes allé bien plus loin quand vous étiez journaliste. Il a éliminé les programmes de planification familiale. Ça fait bien plaisir à sa base. Et hier, il leur a permis de voter sur une motion. Il leur espère que oui, je suis ouvert à ça. Sauf que Harper, malgré tout, c'est un gars intelligent et jamais il permettra qu'on recriminalise l'avortement. Vous parlez de politique fédérale, ça nous fait du bien. On se demande d'ailleurs... on se demande d'ailleurs, est-ce qu'un livre politique s'en vient? Non. Non. J'ai couvert 8 premiers ministres de Joe Clark à Stephen Harper et j'ai rien à dire d'intéressant là-dessus. Ben oui. Des anecdotes. Non. À ce point-là? Non, je pourrais te raconter des engueulades avec Trudeau quand Mulroney boudait pendant 6 mois, mais ça... C'est des anecdotes. Ah, Claude Marais a fait son livre, mes premiers ministres. Vous pourriez faire ça, mes 8 premiers ministres? Oui, là. Mais... Non. On voudrait le lire. Et là, comprenez-moi bien, pas que je veux pas lire vos livres historiques sur la région de la Beauce. Qui est la plus belle région du Québec avant Saint-Élie. Ben ouais, on est juste en dessous. On vous suit de proche. Bon deuxième, c'est proche. Hein. Mais j'aimerais quand même ça, pouvoir lire vos potins de corridor. Justement, il se passe plein de choses en politique fédérale. Il y a Justin Trudeau. Hein, qui va annoncer encore officiellement, mais on le sait, là, il va faire la course à la direction du PLC. Justin Trudeau, est-ce que c'est notre prochain premier ministre? Non. Pourquoi? Est-ce que vous êtes en train de me dire qu'il y a une différence entre Justin et Pierre Elliott? Le drame, oui, énorme. Ah, OK. Pour avoir l'âge couvert, ou... Pour avoir, tout. OK. Pour avoir couvert Pierre Elliott pendant 5 ans, m'être fait engueuler par lui, me fait traiter d'imbécile d'à peu près tous les noms, il y a une différence énorme. Le fils est charmant, le père ne l'était pas. Le père est brillant, le fils a parfois des lacunes. Et il l'a prouvé. Le plus grand drame, ce qui emmerde le plus les gens en ce moment, c'est qu'il va être juste assez fort pour enlever beaucoup de votes à Mulcair et au NPD et assurer peut-être 2 réélections de Stephen Harper. Mon Dieu, moi qui l'aimais, Justin. Vous venez de me l'enlever d'un coup, là, ça. Quand vous avez pris... Non, on va te choyer, Justin à Ottawa, Couillard qui revient, Denis Coderre à Montréal. Pour vous, ça va être le bonheur. Justement, Denis Coderre à Montréal. Vous y croyez à ça, Denis Coderre? Il va passer comme une balle. Ben, je pense que oui, est-ce qu'il va faire un bon maire? Ben, est-ce que Jean Labeaume est un bon maire? Est-ce que Tremblay au Saguenay est un bon maire? C'est un bon triomphéra. C'est compliqué, cette affaire-là. On peut jamais dire qu'on aime les politiciens, on ne les aime pas. Moi, Denis Coderre, je l'aime bien. J'ai côtoyé pendant longtemps. Moi aussi. C'est quelqu'un qui donne la bonne copie. C'est à cause de lui que j'ai pris ma retraite. Non, mais c'est vrai. Alors que j'y pensais depuis un an, et puis bon, à un moment donné, juste avant les fêtes, au coulisses du pouvoir, j'ai fait une entrevue avec Denis Coderre. Je me suis dit, Coderre, c'est facile, j'ai pas besoin de me préparer. Je suis en placote, blablabla. Ça a été une entrevue épouvantable. Coderre m'a dit, qu'est-ce que t'as? J'ai dit, Denis, je viens de comprendre que c'est fini mon affaire. Tu sais, quand tu te prépares plus, puis bon, tu tiens des choses pour acquises, ça veut dire, tu commences à tricher, votant, les gens vont s'en apercevoir. On parlait rapidement du métier de journaliste parce que vous avez déjà dit que pour faire ce métier, là, je vous cite, là, t'as besoin de contacts, t'as besoin de bien connaître un ministre, de connaître au moins 2 députés de partis différents. C'est essentiel. Aller au restaurant avec eux, les coulisses, c'est important. Faut sortir des canaux officiels. En lisant ça, je me suis dit, mon Dieu, on parle de mafia ici. Mais dans le fond, le journalisme politique, c'est comme la mafia. Ben, écoute, si tu parles jamais à un député off the record ou à un ministre off the record, tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Si tu veux savoir, dans les années Trudeau, quand Trudeau faisait des colères ou il y avait des problèmes avec sa femme... Quelle femme? Censée femme, oui, non, peu importe. Moi, je le savais, mais bon, ce genre de truc qu'on fait pas, c'était la même chose dans les années Mulroney. Ouais. Il faut que tu aies un gars qui, au caucus, va te dire, ce matin, Mulroney a fait une crise, il a parlé de ça, il a dit que ça n'arriverait pas. Il faut qu'il y ait un ministre qui soit capable d'appeler avant d'aller en onde, qui va te dire, écoute, Daniel, la vérité, c'est ça, mais tu peux pas le dire. Et là, tu fais ce que tu veux avec ça. Les sources sont fiables, blablabla, tu sais comment l'enrober. On se construit une histoire. Mais si tu n'as pas ça, tu t'en tiens à la version officielle et tu ne vas pas plus loin. Et tu te fais communiquer de presse et tu te fais remplir. Ils sont faciles à trouver d'un parti à l'autre? Non, ce n'est pas toujours évident. C'est ça, hein? Votre meilleur ami, c'était qui? Au Parti libéral, là, pendant les dernières années, là, c'était Denis? C'était une source fiable. Coder... C'était pas une source fiable. Dans les années Trudeau? Ouais. Non, non. Coder n'était pas là. Non, non, il c'est vrai. À ce moment-là, et il y avait un député de la région de Québec qui me racontait beaucoup de choses, et un ministre libéral qui, pour ne pas le nommer sénateur aujourd'hui, et qui est un joyeux sénateur. Ah. Je vous donne un indice. Oui, non, c'est bon, on va faire nos recherches. Son prénom, c'est pas Serge, mais c'est pas loin. qui racontait, qui te donnait l'heure juste. Il faut que quelqu'un te donne l'heure juste. Qui te dise, tu sais, si Trudeau a rencontré Reagan, puis il est sorti là en disant « Chris, Reagan, c'est un trou de cul. » Non, mais c'est clair. Il faut que tu saches. Ben ouais, c'est bien sûr. À partir du moment où tu sais, quand le gars des relations publiques de Trudeau te dit « Ah, oh, ça a été une rencontre, ils ont échangé, ils s'entendent sur des choses, blablabla. » Et toi, tu sais que Trudeau est sorti de là en crise. Ouais. Tu fais pas le même genre de reportage. Tu nuances beaucoup. On va faire un deal, là, vous puis moi. Si vous ne voulez pas écrire ce livre politique-là, il n'y a pas de problème. Moi, je vais faire des entrevues avec vous et je vais l'écrire. Hein? Parce que ça serait plate que ça se perde, je trouve. Non, non, ça serait... avec Joe Clark? Je suis prêt à commencer là, avec n'importe qui. Ça va être un petit chapitre, je pense. Je me disais, bon, on en parlait un peu, il y a eu des élections québécoises il y a très peu de temps. Et on aimerait s'entendre une analyse de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, le 4 septembre au soir? J'ai écouté ça religieusement à la télé. C'est vrai? Ouais. Est-ce que vous avez écouté la couverture de Radio-Canada ou celle de TVA? Radio-Canada? Bah, je pitonne un peu, mais je suis fidèle à Radio-Canada. Patrice Roy, son ami, je trouve très bon. Mais d'ailleurs, justement, la soirée électorale, là, vous la qualifiez comment? Est-ce qu'elle était meilleure que celle de 2011 ou... vraiment meilleure que celle de 2011. Que la fédérale? Ouais. Oh, vraiment meilleure. Vraiment meilleure, c'est ce que je me dis aussi. Good, on s'entend là-dessus. Justement, vous êtes un analyste hors pair. On s'entendait tous à ce que les libéraux québécois mangent une aussi grosse volée que les libéraux canadiens. J'ai gagé avec un ami, moi, qui n'aurait pas 20 députés. Vous avez fait ça, vous? Oui, je ne suis pas très bon là-dedans. Chaque fois que j'avais des prévisions, je me suis trompé. Alors, si j'avais prévu que Mario Dumont deviendrait premier ministre du Québec, tout le monde a ri de moi, puis avec raison. Bon, ouais, on n'en meurt pas. mais vous aviez donc prévu au Parti libéral moins de 20 députés? Oui. Et boy, hein, c'est pas ça. Et je comprends toujours pas ce qui s'est passé. Vous comprenez pas du tout? Et j'avais une discussion juste avant d'entrer en onde avec un collègue, Michel Lacombe, pour pas le nommer, à qui j'essayais d'expliquer que les questions d'éthique dans la tête des électeurs, c'est pas important. Ils s'en foutent comme dans l'an 60. À moins que ce soit quelque chose de très gros, comme gommerie, les commandites, plein d'argent dans les poches de plein d'amis. Sauf que... Il y a 40 députés libéraux qui ont été élus malgré tout ce qu'on a dit de Charest. Il y a quelque chose à 50, quelque part. En fait. 50. Fou de même, voyez-vous? Hein? Hey, vous êtes vraiment à la retraite de la politique, vous. Mais non, mais pendant que vous parliez justement du fait que la corruption ou en fait ces problèmes d'éthique-là ne touchent pas les électeurs, je voyais Fred Pellerin à côté qui est en train de se manger les dents. ça vous affecte, ça, vous, la commission Charbonneau, ces choses-là, ça vous démange? Mais c'est parce que ce qui n'a pas de bon sens, c'est qu'au bout de 3 mois, ils vont nous dire « Ouais, finalement, la mafia, ils ne sont pas si honnêtes que ça. » Ou je ne sais pas. on passe pour des cruches. Ouais, non, mais c'est ça. Non, ça marche pas. Non, mais je trouve la politique depuis 79, et si tu fouilles un peu, il y a toujours dans l'entourage des politiciens des gens un peu recommandables. Ouais. Bon, il y en avait sous Trudeau, il y en avait pendant les années Mulroney, il y en a tout le temps. Il y en a qui vont très loin, qui réussissent à faire bien des choses, d'autres, c'est moins évident. Mais ça a toujours existé. Mais quelle est la différence entre aujourd'hui, donc, de la commission Charbonneau? On invite des experts internationaux pour venir nous parler de la mafia, ce qui n'a jamais vraiment été fait à ce point-là, je dirais. C'est quoi la différence entre le gouvernement libéral des 9 dernières années et ce que vous parlez des liens avec Mulroney et Trudeau à l'époque? Dans le cas de Mulroney, ils n'étaient pas très habiles, ils se faisaient toujours prendre. Tu as eu 9 ministres qui ont démissionné, inusité. Dans le cas de Charest, ça a toujours été caché, il n'y a jamais rien qui a été prouvé formellement. Tout le monde savait que les contrats s'accordaient. Tu sais qu'il y avait plein de gens qui mettaient de l'argent dans ses poches. Il y avait collusion entre les entrepreneurs. Ah, ça, c'est pas de l'argent dans les poches, c'est de l'argent dans les bas. Bon. Tout le monde savait ça. Sauf que personne ne l'a prouvé. Est-ce que la commission Charbonneau va le prouver? Je suis pas convaincu du tout. Tant mieux s'ils le font, mais je suis pas convaincu du tout. Vous êtes pas bon dans les prédictions, hein? Vous êtes pas bon dans les prédictions. Non, c'est pas ça. Les grosses affaires. OK, je rembobine. Évidemment, la période préélectorale, on en parlait avec Fred Pellerin tantôt, ça a été un peu fou. On annonçait des nominations de candidature un peu partout. Pierre Duchesne, là, saviez-vous qu'il était péquiste, vous? Oui. Ah oui? Nous autres, on nous a surpris bien gros. On était à terre. Mais regarde, moi, j'ai travaillé avec Drainville au bureau d'Ottawa pendant 3 ans. Quelqu'un que j'aime beaucoup, avec Christine Saint-Pierre pendant 3 ans. Avec Pierre Duchesne, je connais très bien Jean-François Lisée. Est-ce que je savais que Christine était libérale puis Drainville péquiste? Oui, évidemment. Sauf que en onde, je te mets au défi de trouver un reportage de Drainville ou un de Duchesne qui était biaisé. Justement, là, on a 3 ministres anciens journalistes à Radio-Canada, M. Drainville, M. Duchesne, Mme Saint-Pierre. Lequel des 3 est plus susceptible de passer à l'histoire? Drainville! Moi, j'ai déjà dit une fois dans une entrevue pour Le Soleil que si l'indépendance du Québec se fait, c'est Drainville qui va la faire. Arrêtez donc! Ben ça, c'est une surprise. Hein? Mais encore là, les prédictions. les prédictions. Ouais, c'est ça. Non, Bernard. Le président de planète. Bernard a ses défauts, il y en a plein. Mais c'est vrai, qui est sincère, qui croit vraiment, qui se bat, qui travaille, qui fait souvent des erreurs, mais. Loin de René Lévesque. Il y a, c'est de cette étoffe-là. Bernard Drainville n'est pas très loin de René Lévesque. Ça aurait été dit ici. Hein? Ouais. Et probablement juste ici. Passer au montage. Dernier sujet, on en parlait. Fred a porté le carré rouge. On vous a évidemment pas vu pendant cette période-là. Est-ce que vous auriez été du genre à jouer de la casserole dans les roues? Dans les rues, non. M. Lessard? Non. Est-ce que vous auriez été du genre à porter un petit carré rouge? Non. Vous étiez de quel côté? J'habite à Ottawa et tu dois savoir ça. Ça ne vous touche pas, ça. Non. J'ai 3 nièces qui étaient impliquées au plus haut niveau dans ce club-là. Et à qui j'ai parlé très souvent. Il y a une chose que j'ai adorée là-dedans, une chose que j'ai détestée. J'ai détesté le fait qu'on ne respectait rien. Aucune espèce de respect pour l'autorité, les institutions. Si tu n'es pas d'accord avec eux, tu étais un trou de cul. Ça m'a agacé beaucoup, mais quand j'avais leur âge, j'étais comme ça aussi. Ah, c'est vrai? Bon, j'envoyais chier. Arrêtez donc! Les gens avec qui je ne suis pas d'accord. C'est vrai. Bon, j'ai beaucoup aimé, c'est que ces gens-là se réveillent, se prennent en main. Ah. Et j'espère qu'ils vont aller à l'étape suivante, qu'ils vont se déniaiser et prendre le pouvoir. C'est à eux, cette génération-là, prendre le pouvoir, de ne pas laisser les vieux à la Pauline Marois et Jean Charest diriger le Québec, qu'ils le dirigent, le Québec, qu'ils prennent le pouvoir. Tu sais, dans 15 ans, Léo Bureau Blouin c'est bien compliqué, ça. Pourrait être premier ministre du Québec, pourquoi pas? Mais il va être dans l'organisation du PQ quand même. Oui, c'est ça. Non, mais ça, c'était le beau côté de l'affaire, qu'ils se réveillent enfin, qu'ils se prennent en main, puis qu'ils bougent. Ça, c'est intéressant. L'autre bout, ça va chaler. Mais bon. Ben, on peut pas être d'accord avec tout non plus, hein, mais c'est bien sûr. Mais il faut que ça craque quand ça vire, la chaise. Hein, que, de toute façon, ça peut pas. Parce que en douceur, il se passe rien en douceur à un moment donné. Et t'as raison, dans n'importe quelle espèce de révolution, il se dit plein de choses qui sont pas agréables, mais il faut que ça sorte. Ma mère disait tout le temps, il faut que le pus sorte, et ça a sorti. On a beau dire, mais parce que quand même, malgré tout ce qui a bougé, il reste qu'il y a 3-4 chars qui ont brûlé, 2-3 poubelles qui ont été renversées. On est quand même très doux comme... Ça ne me dérange pas du tout. Ils le font quand le Canadien gagne ou gagne pas la Coupe Stanley. Ce qui me dérangeait, moi, c'était ce croix ou meurt un peu à la Ronald Reagan. T'es avec moi ou t'es contre moi? T'sais, à la Bush, à la Reagan. Sinon, t'es un trou de cul. Ça m'achalait beaucoup. Mais en même temps, quand t'as 20 ans, tu... Vous pensez que ce point de vue-là, vous pensez qu'il venait de la rue ou du pouvoir en place qui tentait une division par... c'est pas une manière de... Parce que, on a démonisé du monde, mais ça venait d'en haut aussi, des fois. Hein. Non, Charest, ils ont très mal géré cette crise-là, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est très, très mal géré cette crise-là. Ils ont tenu pour acquis que les jeunes, après une semaine, allaient rentrer à la maison. Ils sont trompés, ils l'ont mal évalué. Ouais. Il y avait un malaise beaucoup plus profond que celui des jeunes. Et ça a ressorti. Tout ça est ressorti à ce moment-là. Et Charest a été débordé. On n'a pas su comment composer avec tout ça. Mais c'est pas devenu une stratégie de... Parce que vous dites, polariser le débat, c'est venu un peu de... C'est toujours la tactique des politiciens de diviser. C'est la meilleure façon de gagner, tu dises. pour mieux régner. Et ils l'ont très bien fait. Et c'est, et oui, est-ce qu'ils l'ont fait volontairement, consciencieusement, s'ils ont pensé longtemps d'avance? Pas certain. Mais quand ça s'est présenté, ils ont sauté sur l'occasion. Ouais. Bon, okay. Bon, ben là, donc, okay. cette polarisation-là venait pas juste de la on vue. On va s'entendre sur quelque chose. Là. On va se faire un livre à la gang. Là. On va oublier ça. Là. Je peux pas croire. Un cadavre avec ski. Ben non, mais on fait une émission tome 2. Là. Je sais pas, on va s'organiser. Vous restez avec nous, M. Lessard. Merci énormément. Fred, présentez-nous notre prochain chroniqueur, s'il vous plaît. Enchaîné à ses écouteurs à l'affût des pires inepties médiatiques, il gagnerait du temps si, comme Éric Duhem et André Boisclair, il était invité à souper chez Richard Martineau. Voici la chronique d'Olivier Niquette. Olivier! Oui! Allez, ben, allez-y. Hein. Moi, j'ai terminé la dernière fin de semaine en regardant Occupation double dans l'espoir de vous présenter des extraits d'une juteuse vacuité, mais non, rien, 1h30 de ma vie que je ne récupérerai jamais. Pour avoir ma dose de clinquant et de vanité, j'ai donc dû me tourner vers le débat sur les riches. En fait, il n'y a pas vraiment de débat, puisque selon l'intelligentsia médiatique, il est acquis que les Québécois n'aiment pas les riches. Pourtant, vous devriez savoir que les riches sont comme vous et moi. Je le sais, je prends ma douche chaque semaine avec M. Vautier ici présent. Après le hockey, dois-je préciser. Oui, c'est ça, merci. Heureusement, il reste Joanne Marcotte, porte-étendard de la droite libertarienne pour triper bien raide sur les riches. Un riche, c'est quelqu'un qui fait vivre du monde. Et c'est quelqu'un qui, à terme, fait en sorte que les revenus de l'État rentrent pour payer un filet social qui est très respectable. Ben, fuck you, ceux qui blâment, ceux qui crachent sur les riches, là. J'en ai comme mon casque. Il n'y en a pas assez de défenseurs de ces entrepreneurs-là au Québec. Ceux-là, il faut les choyer. Ouais, fuck you, ceux qui crachent sur nos entrepreneurs montréalais maltraités par une fiscalité qui est la sixième la plus avantageuse au monde pour les entreprises, selon une étude de la firme KPMG dévoilée cette semaine. Bon. Malgré tout, là, les chroniqueurs au salaire mirobolant ont tenté de faire comprendre à leur auditoire, celui-là même qui profitera en grande majorité des mesures du PQ, que de taxer les riches, c'était pas fin. En plus, comme l'explique Benoît Dutrisac du 98.5 FM, les riches, là, ils peuvent même pas manifester pour se défendre. Est-ce que tu penses qu'elle pourrait reculer là-dessus? Ben donc, écoute, si on brûle des ambassades, si on brûle des drapeaux, je pense que c'est juste comme ça que ça marche. Qu'est-ce que tu dis là? Non, mais c'est les seules manifestations sont pour des raisons religieuses. Autrement, le gouvernement peut nous manger la laine sur le dos jusqu'au trognon, puis il n'y a personne qui bouge, il n'y a personne qui dit rien. Des manifestations pour des raisons pas religieuses qui auraient porté fruit. Attendez un peu, là. Non, ça me dit rien. Mardi, après ce début de semaine riche en richesses, il m'a fallu zapper un peu sur ma radio afin de m'éloigner de ces lourds débats d'idées. Un nouveau record du monde peut-être sera établi ce matin sur énergie. 185 saucisses en 30 secondes insérées à l'intérieur de son T-shirt par le collet. Hop là, je pense que j'ai zappé trop loin, là. On va revenir aux choses sérieuses parce que le Parti libéral du Québec organise lui aussi son party de saucisses en forme de course à la direction, mettant en vedette deux hommes et demi, Philippe Couillard, Pierre Moreau et Raymond Bachand, qui n'ont aucune chance de l'emporter selon Sylvain Bouchard du FM 93. C'est parce qu'il est tout petit. Moi, je pense que Couillard et Bachand sont bien plus connus... Beaucoup plus connus dans le grand public. ...que Pierre Moreau. Puis Raymond Bachand, il est trop petit. Voyons, Sylvain, ça paraît pas à TV quand les gens sont petits, là. Tu sais, mercredi, là, avant qu'à vote pour ouvrir le débat sur l'avortement, là, le monde savait pas que Ronan Ambrose était petite. D'ailleurs, là, comme l'expliquait Georges Bousquemi, un ami du Petit Jésus qui dirige la campagne Québec Vie, vous vous en rendez pas compte, là, mais vous pataugez dans le sang des enfants à naître. Notre style de vie est comme lubrifié avec le sang des enfants à naître. Peut-être les gens de gauche vont penser de la même façon. Ils vont dire, ben 120 000 êtres humains qui sont très jeunes et très petits, c'est correct qu'on les tue parce qu'il faut quand même maintenir un certain mode de vie. Exactement, ouais, ben oui. Les enfants, ben oui. Là, ça coûte tellement cher d'entretien que ça vous brise un mode de vie, puis je sais de quoi je parle. Une chance que je suis pas riche, parce qu'avec les hausses d'impôts, là, je serais pogné à gorge. Pour finir, une petite pensée de Gabriel Grégoire qui pourrait s'appliquer à bien des personnes que je cite parfois. C'est un gars, il est brillant, mais dans la tête, c'est pas fort. Et c'est ce genre de personnes qui sont souvent les plus dangereuses. Pensez à ça. Merci à lui. Vous êtes brillant et dans la tête, Olivier. C'est okay. Merci. On apprenait cette semaine que le Canada et la Grande-Bretagne allaient devenir colocataires dans quelques ambassades à travers le monde dans le but d'économiser une coupe de piastres, ce qui est franchement surprenant. Et tout ça nous a inspiré une idée de télé-réalité. On écoute. Un nouveau concept, une première saison dans une nouvelle destination exotique, le Myanmar. Colocation-nous! Un Canadien, une Britannique. Colocation-nous! Les murs de sa chambre sont tapissés de photos d'elle. Colocation-nous! Elle aime se faire baiser la main. Colocation-nous! Isolés dans un pays barbare, ils devront s'entendre sur le sort du monde dans l'espoir de remporter une ambassade neuve, mais pas trop chère, gracieuseté de Maison Bonneville. Colocation-nous! La belle Elisabeth sera-t-elle séduite par le ténébreux Steven? Colocation-nous! Steven ne serait-il pas dépendant affectif? Colocation-nous! OK, on a compris. Pas de spa, pas de vulgarité. Juste un gars qui pisse sur son orgueil pour se pogner sa petite cousine. Une dernière fois, vois! Colocation-nous! Et ça, c'était sur les ambassades? Ouais. Ah, franchement, étonnant. Ouais. Pour notre prochain chroniqueur, Fred. Elle a lu tous vos messages privés sur Facebook depuis 2007. Elle est donc comme Pauline Marois. Elle aime revenir en arrière, mais pour nous, elle va de l'avant. Voici la chronique de Léa Strelitzky. Ah, Léa! Bonsoir. Bonsoir, Léa. Bonsoir. Vous connaissez Fred Pellerin? Oui, bien maintenant. Lessard, très oui, intéressant, vos entrevues, c'est super. Ah oui, franchement? Oui, ben eux, en tout cas. Ah ben oui, c'est ça. Merci. Comment ça va, Léa? Ben ça allait bien. Je m'étais bien préparée pour ma chronique. Oui. Puis Rona Ambrose a pogné une brique, puis elle a garoché ça dans ma chronique. Ah ben elle veut ça, que je parle c'est... d'elle. Elle c'est... veut que je parle d'elle, Jean-Philippe. Mais je ne le ferai pas, je ne prendrai pas sa perche. parce que franchement, moi, ça m'étonne pas tellement que tout le monde grimpe dans les rideaux en ce moment. Sauf que Rona Ambrose, on va se rappeler que quand elle était ministre de l'Environnement, elle était contre Kyoto et pour les sables bitumineux. Fait que moi, au contraire, je trouve qu'elle fait preuve de plein de cohérence et de bon sens. Ouais. Je trouve que dans sa ligne de pensée, ça va bien. Fait que j'en parle pas. Bon, mais good. Merci, Par contre, je vais parler de Nick Pachon, qui est un dangereux délinquant sexuel, qui l'a dit lui-même. Ouais. Ouais, il vient de se reprendre 20 ans de prison. Là. Il a dit lui-même qu'il était dangereux puis que les thérapies qu'il avait subies au pénitencier n'avaient pas fonctionné. Fait que là, je vais vous lire un petit extrait de l'article de la presse où est-ce que c'était écrit, ça. il disait que l'odeur d'ammoniac et de viande pourrie qu'on lui envoyait lorsqu'il était sexuellement excité par des scénarios de violence sexuelle n'avait pas d'effet. OK. Donc, okay, oui. Est-ce que je suis la seule qui est rassurée que ça soit comme ça qu'on traite nos délinquants sexuels? Je veux dire, je ne suis pas médecin. Non, non. Mais ça m'inquiète un petit peu. D'ailleurs, le Doc Mayou non plus ne l'est plus, hein, médecin. On a non, non, mais d'ailleurs, je pense que c'est une de ses idées, ça. la viande pourrie, l'ammoniaque, tout ça, je trouve ça que doit, je ça, trouve ça se passe bien. Ça m'a fait penser bien. À lui. Ouais. Puis sinon, toujours dans les nouvelles insolites, là, dans la vraie catégorie insolite cette fois-ci, parce que des fois, l'insolite, hein, ça se balade, ah, ça se promène. C'est du semi-insolite. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Non, mais il y a un alligator qui s'est enfui dans un avion. Il s'est libéré dans un avion en Australie. Puis donc, moi, je voudrais juste m'excuser auprès d'Hollywood là, pour tous les auteurs de films poche, parce que ça se peut qu'un reptile, ça s'échappe dans un avion, finalement. Ça se peut, faut j'ai lancer, rien dit. Ça se peut. De l'ammoniaque et de la viande pourrie, pareil. C'est ça, dans le fond. Puis maintenant, à Westmount, il est maintenant possible de boire du champagne, manger des canapés de caviar et se faire injecter du Botox entre les sourcils, tout ça en même temps. Enfin! Ben, je sais, on est rendu là dans le progrès humain, donc dans une clinique, dans un spa à Westmount, tu peux faire ça. Là, je voudrais pas péter la bulle de tout le monde, fût-elle de champagne, Jean-Philippe. Oui, s'il vous plaît. Mais on va tous mourir. Hein? Oui, je sais. Tout le monde. Fait que je veux juste dire que la mort, c'est 100% sûr. Oui. Mais c'est le fun en même temps, parce que tu sais, dans la vie, il n'y a jamais rien qui est vraiment sûr, ouais. Sauf ça. Ouais. Tu sais, ils essayent de nous faire des pourcentages, des sondages, des affaires, ils sont toujours dans le champ. La mort, c'est 100% sûr. Arrête, okay? Ben ça, c'est une prédiction que M. Lessard pourrait avoir, enfin. Fait que dans le fond, lutter contre la vieillesse, là, c'est un peu comme souffler contre le vent, tu sais. C'est sûr que t'as juste l'air épais, puis qu'en plus, c'est sûr que tu vas perdre. Oui, mais en même temps, quand tu fais injecter du Botox, tu voudrais-tu boire de la bière ou du champagne? Moi, je prends du champagne. Mais regarde, ça, c'est moi. Mais Jean-Philippe, toi, t'es comme ça. Mais en tout cas, fait que je voulais juste faire un message. De l'ammoniaque ou dans mon espoir? Ouais. Je sais que je savais que la viande pourrie puis l'ammoniaque, Fred, ça te plairait, ben, je le savais. Spécial. Fait qu'en tout cas, je voulais juste faire un petit message. Je l'ai parlé aux Shirley de Westmount pour leur dire prends ton 500$ que tu vas t'injecter entre les sourcils pour avoir l'air d'une poupée bout de chou, puis à la place, va en Inde. 500$, c'est mon Dieu. Eat, pray, love. C'est de même que ça marche, madame. Eat, merci pray, beaucoup, love. Léa. Merci énormément, Léa. Merci. Écoutez, C'est plate de même, on en aurait repris d'autres, mais c'est déjà tout pour ce soir. Alors on vous invite à rester à l'écoute dans quelques minutes. C'est le cabaret de Plus on est de fous, plus on lit. Et tout de suite après, c'est Bande à part animé par Alex Courteau. Merci à toute l'équipe, Fred Savard, Olivier Niquette, Marie-Claude Bocage, Julie-Christine Parent, Jean Gagnon, évidemment le brumeux Philippe Roberge à la console et à la musique. Un immense merci à nos invités de ce soir. Fred Pellerin, évidemment, on attend avec impatience le gala de la disque. Vous êtes en nomination comme 55 fois, hein, je pense. Non. 3 fois. Ok, good. Parfait, je me suis trompé. Et Daniel Essard, ben là, on attend le tome 3. Est-ce qu'il y a un tome 3 qui s'en vient? Ça marche. Ben j'imagine. Hey, ça vous a pris 60 ans écrire le premier, puis 3 semaines écrire le deuxième. On attend le prochain d'ici une couple d'heures. Merci beaucoup d'être venu. Quant à nous, vous pouvez nous suivre sur Twitter, évidemment, twitter.com/la soirée. Écrivez-nous si vous voulez assister à notre prochaine émission. On enregistre les jeudis à 17h. Nos invités la semaine prochaine, André Boisclair et Dominique Champagne. Et ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune.